Chapitre 16e, des Karim et des Zara. En sortant du local, il déambule dans les allées de l'hôpital, troublé et pensif. « Puis-je te faire une demande ?» s'enquiert Zara. « Oui, bien sûr. »« Pourquoi tu t'occupes d'activités syndicales en sachant qu'elle te causera des problèmes ?» Karim, surpris par la question, s'arrête de marcher et regarde Zara. Elle fait de même. Lui réfléchit à la réponse. Puis, il déclare du ton le plus modeste mais le plus convaincu « Parce que je ne suis pas un animal que d'autres exploitent selon leur égoïste désir. Et parce que je trouve injuste, de manière générale, que des êtres humains soient exploités de la même manière. » Zara considère un instant cette motivation. Elle réplique. « Et les conséquences, je veux dire les réactions de ces gens égoïstes, tu n'en as pas peur. C'est précisément sur cette peur qu'ils comptent, et c'est elle qui permet leur forfaiture. Dès lors, l'alternative est simple. Avoir peur et accepter l'esclavage, ou vouloir vivre libre et affronter la peur et ses conséquences. Mais ta mère, qu'en pense-t-elle ? C'est d'elle, rétorque-t-il, que j'ai reçu la leçon quand j'étais petit. Quand je lui parlais des injustices que je constatais, elle me répondait chaque fois « Mon enfant chéri, la société humaine est comme la jungle. Si tu ne veux pas être dévoré par les autres, tu dois savoir comment te défendre. Et rappelle-toi ceci, même les bêtes sauvages, pour se défendre, généralement se solidarisent. » Alors elle me racontait cette anecdote. Un père, un paysan, vieilli et se trouvant au seuil de la mort, étendu dans son lit, convoqua tous ses enfants au nombre de 10. Une fois présent autour de lui, il dit à l'un d'eux « Prends ce petit morceau de bois. » L'enfant s'exécuta. « Casse-le !» enjoignit le père. L'autre y parvint aisément. « Maintenant, poursuivit le mourant, prends ces 10 morceaux de bois et casse-les. » Le garçon les prit, tenta de les briser sans y réussir. « Eh bien ?» conclut le vieillard à ses enfants. « Vous venez de le constater. Si après ma mort, vous vous divisez et restez isolés l'un de l'autre, il sera facile à vos ennemis de vous casser l'un après l'autre. Si au contraire, vous restez unis, vous briser sera impossible. » Karim s'interrompt quelques secondes, ému par l'évocation de ce souvenir. Il continue. « Cette anecdote, ma mère me l'a racontée dès que j'avais l'âge de comprendre. Elle me la répétait chaque fois qu'elle le jugeait nécessaire. Avec le temps, l'expérience et la réflexion aidant, de cette anecdote, j'ai tiré une leçon. Celle-ci, ma liberté et ma dignité dépendent de la solidarité entre toutes les personnes qui chérissent leur liberté et leur dignité. Autrement, cette liberté et cette dignité sont aisément niées et brisées par ceux qui tirent leur jouissance du manque de liberté et de dignité collective. Après un instant de répit, il ajoute. Certains réclament leur liberté individuelle, sans la lier à la liberté de tous, et sans préciser que cette liberté consiste à satisfaire les nécessités vitales de l'existence. Une nourriture suffisante, un logis adéquat, une santé convenable, une instruction bénéfique, sans oublier des loisirs sains. Par conséquent, se limiter à vouloir la liberté uniquement individuelle, sans la considérer dans le cadre des libertés de tous, cela signifie en réalité ne poursuivre que des intérêts égoïstes personnels au détriment des autres. Mais, objecte Zara, si un esclave ne trouve aucune solidarité, que doit-il faire ? Il doit découvrir le moyen de l'établir. Et si ce moyen ne se présente pas, il faut le chercher jusqu'à le trouver. Et si ce temps de recherche dure longtemps, sans rien trouver ? C'est que la méthode de recherche est erronée. Il faut donc trouver celle adéquate. Zara ne semble pas totalement convaincue, mais ne sait pas quoi objecter. Karim s'en rend compte. Et si, ajoute-t-il, malgré tous les efforts, on demeure seul, il faut néanmoins ne pas se rendre. Au prix de renoncer à la vie. Car la peur la plus décisive sur laquelle comptent les exploiteurs quant à leurs victimes, c'est précisément la peur de mourir. Elle est la cause première et fondamentale de leur résignation à l'asservissement. Ceci étant dit, il ne s'agit pas de mépriser la vie, mais simplement de ne pas la conditionner par la crainte de la mort. Autrement, quelle vie ce serait ? Zara demeure silencieuse, profondément réflexive. Karim estime devoir préciser. « Je ne suis pas, mais alors pas du tout un héros. » Comme l'on dit, les souffrances physiques me font peur, l'emprisonnement, la torture, mon éventuel assassinat. Mais je crains davantage d'être réduit à une existence d'esclave. Elle est pire que la mort physique, tout au moins pour celui qui a conscience de ce qu'est la dignité humaine. Mon seul courage est de veiller à trouver les moyens de vaincre les peurs qui me réduisent à un animal exploité par un propriétaire. Zara désire savoir davantage. Comment expliques-tu que certains se résignent à leur malheur ? D'autres tentent de les combattre, mais finissent par succomber, tandis que d'autres encore affrontent les difficultés et même s'ils ne triomphent pas, continuent néanmoins à se battre. « Peux-tu me donner des exemples ?» demande Karim. « Ma mère est une résignée. Mon père et mes frères sont des combattants vaincus. Toi, tu luttes, et malgré les obstacles, tu continues à lutter. » Karim hausse d'un coup les deux sourcils en signe de perplexité, considère la question un peu de temps, et dit « Tout ce que je sais, en ce qui me concerne, c'est le rôle fondamental joué par l'éducation que m'a donné ma mère et l'exemple fourni par mon père comme travailleur. J'ai le net sentiment que tout ce qu'il y a en moi d'optimisme, de volonté, de détermination et de dignité, ce sont eux deux qui l'ont semé en moi, et cela dès ma prime enfance. Ensuite, à l'école primaire puis secondaire, j'ai eu la chance d'avoir quelques enseignants très attentifs à stimuler l'esprit critique de leurs élèves. Enfin, j'ai connu Silafid, et aussi des camarades de travail, qui ont le même caractère que le mien. » Il ajoute « Je ne dois pas oublier Azin Fazin, le beau du beau, autrement dit la cerise sur le gâteau, la leçon de courage et de dignité que m'ont donné ceux et celles qui m'ont libéré par leur combat et leur sacrifice de la situation de colonisé. » Cependant, objecte Zara, les gens comme toi sont une infime minorité, et ceux qui nous ont libérés du colonialisme sont ridiculisés et méprisés par certains, notamment des jeunes. Désolé, Karim soupire longuement. Oui, admet-il, ces jeunes crachent sur ceux dont les sacrifices les ont libérés du colonialisme. Reconnaître une dette exige de la conscience et de la dignité. Ces jeunes en manquent, hélas, mais ce n'est pas leur faute. En sont responsables les détenteurs de l'État. Ils ont travesti le combat patriotique de nos aînés en une histoire ridicule, risible, donc méprisable. Pourquoi l'ont-ils fait ? Eh bien, en enlevant au peuple ce qui fait sa dignité, précisément cette épopée libératrice, on l'humilie, on lui enlève sa fierté, on le porte à s'auto-mépriser. Ainsi, on rend plus facile sa domination. Et tout intellectuel, tout journaliste, tout écrivain facilite cette domination en stigmatisant le combat patriotique libérateur. Il sera donc encouragé, payé, médiatisé. Alors, commente Zara, il a raison le proverbe qui dit « Il ne reste de la rivière que ses cailloux. » Oui, mais pourquoi, relance Zara, les gens qui ont une conscience et une dignité sont tellement minoritaires? La question oblige Karim à réfléchir. Ensuite, il déclare « C'est le cas partout dans le monde et à toutes les époques. Pourquoi? Je l'ignore et j'aimerais bien le savoir. La seule idée qui me vient est celle-ci. Peut-être parce que l'idée de dignité n'est pas assez développée parmi l'espèce humaine. » Zara demeure silencieuse, les yeux rivés sur Karim, et lui demande « Qu'en penses-tu »« Que tu parles bien, » répond-elle, tandis que ses magnifiques yeux brillent d'un éclat plus lumineux. « Tu dis ce que j'ai toujours aimé entendre, sans avoir jamais trouvé quelqu'un pour me le dire. J'ai finalement la chance de t'avoir connu. Je voudrais t'en voir toutes les personnes victimes d'injustice entendre ce que tu dis, car c'est le médicament qu'il leur faut pour soigner les maux dont elles sont victimes. » Zara contemple longuement Karim, puis elle ajoute « Je suis certaine que dans tous les pays existent des Karim comme toi. Que veux-tu dire ? Qui ont ton sens de la dignité et combattent pour elle. » « Dans le monde entier, » ajoute Karim, « se trouvent des Zara, dont la vie, les souffrances et les combats sont identiques aux tiens. »